Fatiguée d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras. Mais mon cœur est accroché à tes lèvres. Dis-le-moi. Un, deux, trois. Regarde-moi, t'aimes sans bouger les lèvres. Rassure-toi, ça ira même si j'ai cœur de pirate.